Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comme chaque semaine, Sophie et moi, nous nous réunissons pour parler de nos découvertes ornithologiques lors de ces 7 derniers jours. Aujourd'hui, on parle de chouettes et hiboux et on parle aussi d'oiseaux d'Amérique, d'Hawaï. Est-ce qu'ils existent encore? Bonne question. Non, malheureusement. Oh, bah ça y est, c'est toi qui... Tu gâches toute la surprise là, c'est fini. Cette intro est beaucoup trop longue. Tant pis. Comment ça va, Sophie? Bah écoute, plutôt bien. Il commence à faire bien chaud par chez nous. On a dépassé les 30 degrés aujourd'hui. Donc ça y est, on rentre dans l'été. C'est parti. Bah nous ça y est, on rentre de plein pied dans l'automne en espérant que la pluie et le froid se manifestent beaucoup plus régulièrement désormais. Mmh. Et puis voilà, on a les premiers passages au lac d'Uder, qui est l'un des endroits emblématiques de la migration des oiseaux en France, donc le passage des grues cendrées notamment. Donc pour ceux qui se posent la question, on enregistre aux environs du 22 octobre. Mm-hmm. Donc voilà, si vous êtes déjà ornithologue, vous êtes déjà sur place en train d'aller observer tout ça. N'hésitez pas à nous dire si vous avez vu plein de choses sur justement le lac d'Uder et autres. Mm-hmm. On sera intéressé d'avoir vos informations dans les commentaires. Mais aujourd'hui, on parle pas de grues, ma chère Sophie. Non, pas exactement la même famille. J'avais envie de changer des oiseaux marins que j'avais pas mal couverts ces derniers temps. Donc je suis partie un peu plus vers l'intérieur des terres aujourd'hui. On va aller voir Strigiformes, qui sont donc les oiseaux de nuit, ces fameux rapaces nocturnes que vous connaissez bien. Fantastique. Mais si je peux me permettre, je vais commencer parce que j'ai une mauvaise nouvelle à annoncer. Ah bah faut commencer par les mauvaises nouvelles. Et à tous les auditeurs. Ah bah on commence toujours par les mauvaises nouvelles. Avec l'United States Fish and Wildlife Service, qui est donc l'organisme fédéral des États-Unis qui s'occupe de gérer et de préserver la faune, qui a publié un communiqué de presse datant du 16 octobre dernier, qui a tout simplement retiré 21 espèces de la liste en danger critique d'extinction pour la placer dans la catégorie éteinte. Donc ce sont des espèces qui ne sont tout simplement plus considérées comme existantes. En septembre 2021, il y avait déjà 23 espèces qui avaient été délistées et cette année donc on en a 21 de plus. On a des mammifères, on a une chauve-souris, on parlait d'oiseaux de nuit, ça tombe bien, on parle de chauve-souris ici. On a des poissons et on a également des oiseaux qui ont été délistés, des oiseaux qu'on n'a pas revus pour certains depuis les années 60. Et il y a eu une petite surprise sur laquelle on reviendra dessus. Mais par parler des oiseaux qui ont été délistés de la catégorie en danger critique d'extinction à éteinte, nous avons pas mal d'oiseaux venant notamment de l'archipel d'Hawaï qui ont été déclarés éteints. C'est le cas du Pohoulī masqué, j'espère que je prononce bien le nom, qui est un passereau qui ressemble un peu... un peu un pinson, mais très très gris, avec un bec très métallisé bleu. C'est un oiseau assez particulier. Il y en a un, par contre, que j'ai découvert qui est absolument incroyable. C'est le grimpeur de Molokai. Le grimpeur de Molokai. Et on n'en a pas de photo. Ah, mince. Mais d'après les croquis qu'on a, il semblerait que l'un des oiseaux, je ne sais pas si c'est le mâle ou la femelle, mais je pense que c'est plutôt le mâle, serait rosé, mais vraiment d'un rose pétant. Comme j'ai pas vraiment l'habitude d'en voir honnêtement dans le monde ornithologique. Ah ouais, d'accord. Et franchement, je trouve l'oiseau absolument magnifique. Je ne sais pas toi. Je trouve vraiment l'oiseau extrêmement impressionnant. Malheureusement, c'est une espèce qu'on n'a pas revue depuis 1963. On n'a pas de photos concernant cet oiseau et on en aura, bah, à vrai dire, peut-être jamais, puisque l'oiseau est déclaré et déclaré disparu depuis cette période. D'autres oiseaux comme le Nukupu de Maui. Maui qui est une petite île qui a énormément subi de pertes dans cette liste, parce que donc il y a le Nukupu qui a été délisté, l'Oxopose aussi qui a été délisté. Tout ça, c'est des petits passereaux. On a le solitaire Kamao qui, pareil, lui aussi a été délisté, qui ressemble un petit peu à une fauvette. Mais le nom qui est utilisé en anglais, c'est Large Kawaii Thrush, donc plutôt grive, du coup, dans ce, dans ce cas-là. On a aussi le Moho de Kauai. On revient toujours sur cette fameuse île de Kauai, avec toujours le Nukupu. Et puis deux autres oiseaux qui ont été délistés, c'est le Akiola d'Oahu, avec un bec gigantesque, qui était soit très recourbé. Alors on a des représentations de cet oiseau qui a un bec très recourbé. On a en réalité, on a par ailleurs une représentation du bec qui est extrêmement longue et affinée, mais le bec est gigantesque, il fait quasiment, j'irais, la moitié de la taille de l'oiseau, en fait. Ah oui, quand même. C'est assez, ouais, c'est assez assez dingue. Fait partie de la famille des fragilidés, si tu te poses la question. Ouais. Et puis on a aussi la paruline à l'or blanc, ou le Zosterops bridé. Personnellement, je trouve que ça ressemble plus à un Zosterops, mais scientifiquement parlant, c'est un oiseau qui fait partie de la famille des parulines. Et on a aussi la paruline de Bachmann, une autre paruline justement, qui elle aussi a été délistée. Pour ces deux derniers oiseaux, ce ne sont pas des oiseaux d'Hawaï, ce sont des oiseaux de l'île de Guam, et ce sont des oiseaux que l'on trouvait notamment en Floride, pour la paruline de Bachmann. Et dans cette liste, eh bien, il y a un absent. Oui, j'ai envie de dire il y a un absent, mais c'est très bizarre de dire qu'il y a un absent dans cette liste. C'est plutôt est-ce bien, que, non est-ce que, tu... est-ce que tu vois de quel absent je veux parler? Alors là, non, j'y suis pas du tout. Pour le coup. Je vais te parler du pic à bec ivoire. Ah, bon sang, oui. 2020... Eh oui, en 2021... justement, nos chers amis du FWS, donc ceux qui s'occupent de réaliser ces listes, avaient apporté une note en disant, avec les différentes preuves que l'on a, constatations qui ne sont pas assez solides, eh bien, il se peut que le pic à bec ivoire fasse justement partie de cette liste en 2023. Et il s'est avéré que, eh bien, l'oiseau n'est pas présent. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le pic à bec ivoire, c'est un gigantesque pic dont la dernière capture, la dernière photo remonte à 1944. Et c'est un oiseau qui crée énormément de discorde aux États-Unis, pour la simple et bonne raison qu'il y a deux camps ornithologiques qui s'affrontent. D'un côté, celui où, eh bien, les gens considèrent que l'oiseau est définitivement éteint pour tout un tas de raisons, pour la perte de son habitat, par rapport à d'autres choses qui étaient, à d'autres choses qui étaient des pressions sur l'oiseau. Et d'un autre côté, on a des ornithologues qui disent l'avoir vu et qui disent avoir des preuves, justement, eh bien, de l'avoir vu. Le problème, c'est que ces preuves se limitent à des photos qui sont prises en 3 pixels et des vidéos qui sont prises à 15 km. Et donc, vous voyez un tout petit bout noir qui se déplace, on sait même pas ce que c'est, mais ces gens-là continuent à évoquer la présence du pic à bec ivoire. C'est un conflit qui date depuis 2004, hein. C'est vraiment un conflit qui est extrêmement ancien, notamment depuis que le président, alors je crois que c'est la National Audubon Society, avait réalisé un article en disant qu'il avait vu cet oiseau, et d'un côté comme de l'autre, eh bien, on essaye de camper sur ses positions. Et eh bien, le Fish and Wildlife Service a tranché cette année en faveur du maintien en possibilité d'existence du pic à bec ivoire. D'accord. Et il y a d'ailleurs une phrase qui a été prononcée par une personne qui est Steven Latta, qui fait partie de l'Observatoire national aviaire de Pittsburgh, qui a dit « Cet oiseau est emblématique et il représente pour nous et pour une grande partie du public la fragilité, la conservation et l'espoir pour les espèces menacées dans le monde entier. » Évidemment, c'est une personne qui clame avoir vu ce fameux pic à bec ivoire. Donc voilà, c'est une... disons que lorsque l'information est sortie, certains ornithologues grimaçaient un petit peu en disant « Ah ouais, ouais, quand même, pic à bec ivoire. » D'autant que, et pour preuve, autant certains oiseaux, ça fait très longtemps qu'on ne les a pas revus. C'est notamment le cas du Nucupui de Kauai qui n'a pas été revu depuis 1899. Oui, là, pour le coup, ça fait extrêmement longtemps. Ouais. Autant, il y a certains oiseaux qu'on n'a pas revus depuis les années 1980, voire les années 2000. L'extinction du pot ouli que j'ai cité en préambule de cette liste, la dernière fois qu'il a été vu, c'est 2004. Et on confirme donc la disparition de certains oiseaux datant d'il y a à peine 20 ans, alors qu'on infirme d'une certaine manière celle qui n'a pas été vue depuis 80 ans. Et donc ça crée une certaine discorde, et on aura sans doute l'occasion d'en reparler parce que le chapitre du pic à bec ivoire n'est jamais terminé quand on parle justement d'ornithologie américaine. Mais c'est marrant cette histoire de pic à bec ivoire, parce qu'à chaque fois ça fait me penser au Yeti ou tu sais, à ces animaux fantastiques qu'on essaie de rechercher. Pour moi, c'est une recherche de chimère, c'est pareil. On est sur de la recherche de chimère, c'est tout. C'est totalement ça, et d'autant qu'il y a énormément d'argent qui a été investi, oui. Qui a été investi dans la recherche de cet oiseau, et aujourd'hui on n'en a aucune preuve. Quand on parle de preuves scientifiques à fournir lorsque vous voyez un oiseau ou autre, vous devez avoir l'oiseau en main, vous devez bien le voir. Là, on a juste des images, des bouts de pixels. Je vous invite à aller voir des preuves, les fameuses preuves sur Internet du pic à bec ivoire. Sincèrement, vous ne voyez rien. Et dans un pays comme, je ne sais pas, la France ou l'Afrique du Sud peut-être, si jamais je t'amène ce genre de photo et que je te dis « j'ai vu tel oiseau », je pense que tu vas me répondre « non, vous n'êtes pas sérieux bien quand même sûr. ». Oui, puis donc, non. Non, c'est assez incompréhensible de cette histoire... cette arlésienne aux États-Unis. Bah après, les gens confondent souvent en disant « oui, mais moi, mon témoignage était de bonne foi ». Mais effectivement, il y a des gens qui donnent des témoignages sur ce genre de trucs. On a eu des témoignages, par exemple, sur le Bigfoot aux US. Par exemple, si on parle des US, le Bigfoot, c'est un truc qui est super connu, c'est un des cryptides de l'endroit. Et tout le monde, il y a beaucoup de chasses au Bigfoot, hein, avec des gens qui disent, qui clament haut et fort avoir vu un Bigfoot. Alors, on est d'accord que Bigfoot, ça n'existe pas, hein, de base, et que jamais personne n'en a vu la queue d'un. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui ont clamé haut et fort avoir vu un Bigfoot en disant « oui, moi, je lui ai tiré dessus », ou un autre lui avait soi-disant roulé en bagnole sur un Bigfoot parce qu'il était au milieu de la route. Et il se trouve qu'après analyse, soit il avait tiré sur un ours, le gars, soit c'était une vache qui était au milieu de la route. Voilà. Et donc, le témoignage peut être tout à fait de bonne foi, mais en fait, on peut ne pas savoir ce qu'on a vu, en fait. C'est des interprétations qui sont réalisées. Il y avait, alors je ne sais plus si c'est comme ça dans le roman de Sir Arthur Conan Doyle, mais dans Le Chien des Baskerville, en tout cas dans la série Sherlock, c'est justement une espèce d'hallucination où on dit avoir vu une bête et finalement on se retrouve en fait avec des chiens. C'est typiquement ça en fait, hein, ce sont vraiment des hallucinations. Non pas parce que vous avez pris une substance illicite ou autre, mais parce que justement la luminosité, parce que justement le bruit, parce que l'instant, parce que plein de choses font justement qu'on a l'impression de voir des animaux entre guillemets extraordinaires, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Moi j'ai quand même quelque chose de très intéressant à te poser, Sophie, c'est de savoir un petit peu. Parce que justement dans le témoignage de ce monsieur, il y a l'histoire de l'emblème. Est-ce qu'il y a aussi cette question-là qui se pose de, entre guillemets, maintenir un certain espoir pour que l'oiseau devienne emblématique de la conservation des espèces menacées? Parce que c'est un emblème aujourd'hui, le pic à bec ivoire, aux États-Unis du moins. Oui, bah aux US peut-être. Mais bon, les US ont fort tendance à se croire le maître du monde et le centre du monde pour beaucoup de choses, et je pense qu'il est temps qu'ils descendent un petit peu de leur piédestal, mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais bon, du point de vue de l'ornithologie, c'est vrai qu'ils ont pas mal de structures, mais il faut se rendre compte quand même que on a plus de 10 000 espèces d'oiseaux dans le monde au total. Je suis sûre qu'on n'a pas besoin du pic à bec ivoire pour avoir une espèce d'oiseau emblématique pour la sauvegarde de toutes les espèces de par le monde. Donc à mon avis, pour moi, c'est pas spécialement nécessaire d'avoir ce pic à bec ivoire qui est plus une recherche qui ne portera jamais fruit, plutôt que quelque chose qui est vraiment important. Et d'autant plus, d'ailleurs, quand on fait de la conservation et quand on essaie vraiment de consacrer sa vie à ce genre de choses, aux animaux et à sauver les espèces en voie de disparition et d'extinction, eh ben, je pense qu'on a plus de crédit, et plus d'argent et plus de moyens financiers et autres à accorder à des espèces qui sont effectivement réelles, hein, qui sont bien là, et qui ont effectivement besoin de notre aide, qu'à des chimères qu'on ne trouvera jamais, de toute façon. Donc pourquoi est-ce qu'on n'accorderait pas plutôt notre attention à des espèces qui en ont vraiment besoin? Ça pourrait être plus intéressant, non? Ah bah totalement, mais bref, tout ça pour dire que le chapitre du pic à bec ivoire, il est loin d'être fermé. Je pense que la fin d'année, voire l'année prochaine, va déjà nous réserver des surprises. Il y a un compte Twitter parodique, si vous voulez le suivre, qui s'appelle Ivory Build Discourse, qui reprend tous les articles invraisemblables sur le pic à bec ivoire. Les preuves, c'est vraiment très très drôle à suivre. Je vous invite à aller voir ça. Mais le pic à bec ivoire, on en reparlera forcément, parce que évidemment, ça fait partie de ces oiseaux emblématiques. Évidemment. Chouette et hibou désormais, strigiforme avec toi ma chère Sophie. Bah ouais. On reste en Afrique. Enfin on reste en Afrique. Pour le coup non. On était aux États-Unis mais. On était aux États-Unis et on va passer en Europe parce qu'en fait ce que je vais vous raconter aujourd'hui c'est basé sur une publication que j'avais envie de mettre à l'honneur parce que c'est une publication faite par des Français en l'occurrence. Ah, et du coup ça me faisait plaisir. Voilà, ça me faisait très plaisir. Ça a été publié le 18 octobre dernier dans Proceedings of the Royal Society, donc c'est pas si mal, hein, franchement. Et ça s'appelle, et c'est une publication, plutôt que de vous lire le titre en anglais, je vais vous dire de quoi ça parle, ce sera plus intéressant, je pense. En gros, ça s'intéresse aux chouettes et aux hiboux, et notamment à la vision binoculaire de ces animaux, et du rôle associé que ça a dans leur écologie en général, et notamment dans leur écologie relative à la manière dont ils capturent leur proie. Et donc c'est un article qui est très intéressant, qui est même en open access, on vous mettra les liens dans la description pour que vous puissiez aller faire un tour si ça vous dit. Comme toujours. Voilà. Et ça va nous parler donc du champ de vision de ces animaux, et de à quel point c'est lié à ce qu'ils mangent. Alors, j'imagine que vous le savez, mais la majorité des chouettes et des hiboux, c'est évidemment une famille qui chasse, hein. On se sait sûr du carnivore. Ceux qui mangent ? Attends, quoi ? Ceux qui... Quoi ? Attends. Attends. Non. Ceux qui mangent. Je te laisse continuer. Donc, effectivement, on est sûr de l'oiseau chasseur, avec des serres, avec un bec, avec tout ce qu'il faut comme arme pour aller capturer des proies. Mais surtout, on est sur une famille qui est finalement très diversifiée, avec des formes très diverses, alors des tailles très diverses, mais aussi des écologies diverses, avec des animaux qui vont chasser dans la journée, des animaux qui vont plus être donc diurnes, des animaux qui vont être plus nocturnes, des animaux qui vont être en milieu ouvert, des animaux qui vont être en milieu fermé, des animaux qui vont chasser de l'insecte, parce que c'est des animaux qui sont tout petits, peut-être, et que du coup, bah, quand on a une toute petite chouette qui fait à peine 15 cm de haut, bah, ça va pas chasser la même chose qu'un grand duc d'Europe, par exemple. Et donc, évidemment, on est sur des écologies qui sont finalement assez différentes et des milieux dans lesquels ils sont qui sont aussi très différentes. Et donc, tout ça, ça va influer, évidemment, sur leur vision, sur leurs autres sens aussi, notamment le sens de l'audition, parce que ça aussi, c'est important pour la chasse et pour ces animaux-là. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que contrairement à ce qu'on peut retrouver dans pas mal d'autres groupes d'oiseaux, de mammifères ou d'animaux en règle générale, qui ont, pour le coup, une grosse influence de la phylogénie, donc c'est-à-dire de la manière dont les ancêtres étaient plus ou moins conformés, qui va avoir une influence sur la manière dont les descendants sont conformés. Donc on va se dire que peut-être que la position de la tête, la position des oreilles, la position des yeux, par exemple, va être définie par l'ancestralité, en quelque sorte, savoir si leurs ancêtres étaient faits de telle ou telle manière. Bah là, en fait, chez les chouettes et les hiboux, c'est pas du tout le cas. C'est plus défini par leur écologie que défini par comment c'était précédemment chez l'ancêtre des chouettes et des hiboux. Et ça, c'est assez intéressant, parce que ça permet de voir à quel point ces animaux sont adaptés à leur environnement. Donc, dans cette publication, alors il y a des phylogénies, il y a plein de trucs qui, je sais, vont intéresser pas mal de monde, donc c'est pour ça que je vous encourage à aller le voir, parce que c'est toujours intéressant si c'est le genre de choses qui vous passionne, vous, voir comment on classe les espèces, etc. Mais plus que ça, il y a aussi toute une analyse 3D qu'ils ont faite du champ de vision de plein d'espèces différentes. Alors pour ça, ils ont étudié 22 espèces différentes, ce qui était pas mal quand même. 22 espèces de chouettes et hiboux, on est quand même sur pas mal de... Ça fait à peine 10%. Ça fait à peu près 10% de tout. Ben, il y a 250 À peu espèces, près. Je crois. Quelque chose comme ça. C'est ça. Mais du coup, on est quand même pas mal... C'est quand même un bon échantillonnage parce qu'ils ont pris pas mal d'espèces différentes. Alors, ils sont passés par les... Surtout, voilà, si tu prends des espèces différentes, de tailles différentes, de milieux différents. C'est... De milieux différents et d'un peu de par le monde, en fait. Ils sont partis par l'Australie avec la boubouk. Je ne sais pas si vous connaissez la petite boubouk qui est assez mignonne et assez petite. La boubouk. Ouais. Il y a ça dans les livres d'ornithologie. Mais ouais. Faut que tu regardes, elle est très mignonne, celle-là, moi j'aime. La boubouk. Je l'appelle boubouk, mais c'est peut-être pas le nom français. Australian boubouk, je sais plus comment ça s'appelle en français, faudra regarder. Mais ouais, la boubouk, c'est un... je trouve trop mignonne, j'aime bien celle-là. La Ninox boubouk. Voilà. Incroyable. Ah, tu vois. évidemment, ils sont passés par la Tito Alba qu'on connaît bien, qui est la fameuse dame blanche de la nuit qu'on a en France notamment, hein, notre chouette effraie. Voilà. Et puis plein d'autres qui sont très connus aussi, que vous reconnaîtrez certainement, notamment notre grand-duc d'Europe qui est aussi dans l'échantillonnage. Et puis par chez nous, on avait aussi un oiseau d'Afrique du Sud, le Spotted Eagle Owl, qui du coup est le grand-duc sud-africain, qui est bien plus petit que le grand-duc d'Europe d'ailleurs, qui est que très sympa aussi, avec lequel j'ai bossé. Et évidemment, l'incontournable Harfang des Neiges, parce que quand même, hein. Donc, tous ces animaux-là ont été pris, alors c'est pour ça que c'est français d'ailleurs, c'est parce qu'ils sont, ils sont pris dans quatre parcs zoologiques français qui ont proposé leurs animaux, en quelque sorte, pour l'étude, alors que je te retrouve exactement les parcs zoologiques. Alors voilà, donc on a les ailes de l'Urga, l'espace Rambouillet que je connaissais très bien, le grand parc du Puy du Fou et le domaine des fauves. Et donc ça, c'est des... Comme d'habitude, juste pour souligner encore que avoir des animaux en captivité, finalement, c'est pas si mal, surtout quand vous faites de la recherche, parce que ça permet d'avoir tous ces animaux à disposition pour pouvoir faire vos recherches, arriver à poser vos hypothèses, les démontrer ou les infirmer en fonction des cas, et puis derrière, avoir des résultats qui vous permettent de mieux comprendre ces animaux et de mieux savoir comment les protéger, peut-être, les élever, enfin bref, plein de choses. Donc ça, c'est... Donc merci à eux d'avoir participé à l'étude, c'était gentil. Dans les résultats, donc, on l'a dit tout à l'heure, on a un changement en fonction du mode de vie de l'animal, de son environnement aussi. Donc par exemple, ils ont trouvé que le champ de vision binoculaire, donc chez les chouettes et les hiboux, il était généralement un peu plus large lorsque c'est des animaux qui allaient être plus insectivores, parce qu'en fait, là, dans ces cas-là, l'animal va plus se baser sur, finalement, sa vision pour capturer l'animal, qui fait un peu moins de bruit, du coup, que lorsque c'était des animaux qui allaient capturer plus des proies comme des rats ou des souris, donc du petit mammifère, qui, pour les chouettes et les hiboux dans ces cas-là, ils allaient plus se baser sur l'audition. Et donc le champ de vision était un petit peu plus restreint, au niveau binoculaire, hein, j'entends évidemment. Mais du coup, on a une différence en fait, d'utilisation des sens, que ce soit au niveau de la vue ou de l'audition. Et en fonction de ce qu'ils utilisent le plus, du coup, le champ de vision va être plus large ou un peu moins large. Voilà, donc c'est okay. lié vraiment à l'écologie de l'animal, et ça, c'est super intéressant, parce qu'on a vraiment une incidence, du coup, de l'écologie sur les traits physiques de l'animal. C'est quand même pas si mal. Ils avaient noté aussi que, du coup, vous avez... Alors, je sais pas si vous êtes au courant, mais en gros, les yeux des oiseaux sont assez variables en fonction des familles. Vous avez... notamment au niveau de la fovéa, donc la fovéa qui est ce petit point en quelque sorte sur la rétine qui va vous permettre en fait de concentrer les rayons lumineux, et c'est par là que vous allez voir plus ou moins. Donc cette petite pointe sur la rétine qui s'appelle la fovéa, elle peut être absente chez certains oiseaux, présente chez d'autres, voire en deux exemplaires chez d'autres espèces. Voilà. Et donc, ce qu'ils ont trouvé ici aussi, il y avait aussi une corrélation entre la présence, l'absence, voire même le double exemplaire d'une fovéa chez les chouettes et les hiboux. Alors, il n'y en a pas en deux exemplaires chez les chouettes et les hiboux, mais par contre, dans ce qu'ils ont trouvé, c'est que la fovéa, contrairement aux autres oiseaux, où généralement elle est plus ou moins au milieu de la rétine, hein, qui semble logique, et ben en fait, chez les chouettes et les hiboux, elle va être légèrement décalée sur le côté pour être plus en face du champ de vision binoculaire de l'oiseau. Parce que vous imaginez bien que le champ de vision binoculaire, donc c'est ce qui va être au milieu de son champ de vision général, et sur les côtés, vous allez avoir un champ de vision qui va être œil par œil, donc vous n'allez pas avoir cette perception de la distance, aussi bien que lorsque vous avez deux yeux qui se recoupent, et dans ce cas-là, vous pouvez vraiment apprécier la distance entre l'animal que vous allez chasser et puis vous-même. Mais du coup... l'avantage d'avoir cette fovéa un petit peu déplacée sur le côté, ça vous permet en fait d'avoir encore une meilleure vision dans le champ binoculaire de votre vision. Donc c'est quand même, c'est encore une autre adaptation intéressante qui a été du coup démontrée par cet article. Et certaines chouettes, notamment notre chouette effraie, qui elle va chasser de nuit, hein, on le rappelle, qui est principalement nocturne, et bien elle en fait... elle n'a pas de fovéa du tout. et en fait, elle se base plus sur son audition que sur sa vision au final. Donc c'était intéressant. Donc on a vraiment une adaptation de plein de caractéristiques physiques de ces oiseaux à leur mode d'alimentation. Ce qui est quand même... Donc c'est quand même très intéressant, moi, de mon point de vue. Je trouve que, on progresse encore dans notre compréhension de ces oiseaux et de toutes ces petites capacités un peu cachées qu'ils ont pour arriver à se débrouiller. J'avais eu l'occasion, parle pas des strigiformes pour le coup, ce sera plutôt des alcidés avec donc Martin Pêcheur et autres. Et justement, tu parlais de la fovéa qui était présente en deux exemplaires. Les Martin Pêcheur ont la fovéa en deux exemplaires. Mm. Et certains ornithologues pensent que c'est parce que justement le Martin à la fois vit sur Terre, quoi, hein, mais surtout a besoin aussi de voir ses proies lorsqu'il plonge dans l'eau. Ouais. Donc du coup, la deuxième fovéa servirait à ça. Mais effectivement, la présence de la deuxième fovéa est souvent caractéristique d'une très très très bonne vision chez les oiseaux. Mm. Et c'est assez intéressant de voir que certains rapaces qui ont pourtant une très bonne vision n'en ont pas. Oui. Ça c'est fou ça. C'est. Oui. C'est encore une fois, ça y est, on remet tout, on remet tout en cause d'une certaine manière parce que c'est assez intéressant. C'est pas mal. Hein. Mais après avec la chouette effraie, il y a une possibilité aussi que son champ de vision soit un peu plus restreint que ce qu'on connaît des autres chouettes hiboux. Alors on n'en est pas sûr évidemment, mais on suppose qu'elle voit moins bien de près aussi. C'est peut-être aussi une incidence de ce manque de fovéa, on ne sait pas trop. J'y passerai mes lunettes si elle veut. Elle est presbyte. Mais non, c'est... Bon, en tout cas, elle a aussi ce petit défaut, on pense, comparé aux autres chouettes et hiboux. Ça reste à prouver. Hein, en tout cas, très très bonne étude. Ça... j'ai beaucoup aimé la lire, très sympa. Elle était très sympa. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que ça peut être un individu qui a un problème de vue? Alors, ils ont, je pense, en tout cas j'espère, d'après ce qu'ils disaient dans l'étude, c'est qu'ils ont utilisé plusieurs spécimens, hein, évidemment, pour avoir leur data. Parce que tu ne vas pas utiliser un seul spécimen pour faire tout ça. Bien une sûr. Étude, c'est normal. Hein, tu essaies d'avoir une variété d'animaux. Et d'ailleurs, dans ce qu'il disait, c'est que si vous regardez les schémas qu'ils ont faits, il y a aussi une marge d'erreur, c'est-à-dire qu'en fonction des individus, vous allez pouvoir avoir une petite différence entre le champ de vision d'un individu d'une espèce et le champ de vision d'un autre individu de la même espèce. C'est tout à fait possible. Et ils l'ont indiqué sur leur schéma aussi, par une couleur un petit peu différente, pour dire, voilà, on a ça en marge, en fait, de ce qu'on peut trouver chez cette espèce. C'est un petit peu variable, lorsque c'était possible, en tout cas. Et ils l'ont tout à fait indiqué. Mais là, en l'occurrence, pour la chouette effraie, je pense qu'ils ont échantillonné plusieurs chouettes effraies, à mon avis, okay, d'après ce qu'ils disaient. Donc, je pense pas que ce soit un problème au niveau échantillonnage. Et par rapport au décalage de la fovéa, c'est un décalage convergent ou divergent? C'est-à-dire que les deux fovéa s'éloignent du centre de la tête ou vont se rapprocher au contraire? Elles s'éloignent du centre de la tête, donc elles vont se rapprocher des oreilles, en fait. C'est-à-dire que le but, c'est que ça y ait comme une ligne directe qui parte du milieu de la tête, du bec, en quelque sorte, et qui passe vers les yeux, donc jusqu'à la fovéa. Donc ça vous fait un petit peu une ligne un peu en diagonale qui va arriver, qui va vous décaler la fovéa vers les oreilles sur le côté de l'œil, en quelque sorte. Ok. Parce que le but, c'est vraiment qu'elle soit en face de ce champ de vue binoculaire, donc bien au milieu du champ de vision de l'oiseau. Voilà. Ben, faudra voir si ces fovéa aussi se voient de cette manière-là chez d'autres espèces d'oiseaux nocturnes, peut-être pas nocturnes, pardon, je vous raconte des bêtises, mais ce sera intéressant d'avoir peut-être des points de comparaison avec d'autres espèces pour voir si il y a pas des choses qu'on a encore à voir de notre côté. Bon, en tout cas, c'était un chouette épisode. Merci beaucoup, Sophie, d'y avoir participé. On te retrouve, je le rappelle, sur Entracte Science, chaîne YouTube. Et on te retrouve sur Twitch. De temps en temps. Je sais pas si tu as fini, ça y est, Subnautica. Ça, non. On a essayé, mais je suis pas encore allée tout en bas. Mais on a bien avancé. J'espère que la prochaine fois, on va y arriver. La prochaine fois, ce sera peut-être lorsqu'on sera dans plusieurs épisodes, et donc du coup tu auras déjà fini, mais sait-on jamais. En tout cas, merci beaucoup Sophie, merci à vous tous et à vous toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Vous nous retrouvez, on le rappelle, sur Twitter @podcdls, vous nous retrouvez en podcast bien sûr sur les différentes plateformes de streaming, sur YouTube également et en version sous-titrée, et on se retrouve aussi la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, salut à tous et salut à toutes. Salut.